étranger, tu sonnes comme une chatte dégriffée. C'est qui c'est, de face, celui sur qui tu jacasses. Quand on est sous, on devient fou, pire que Jackass. Passe tout, Mike, preamp et sampler. Quand on débarque, on fout le bordel dans ton secteur. Factor, distribue les lettres sur un papier blanc. Le genre de texte qui s'écrit avec le son. Hey yo, attention, attention, attention, non. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait d'alerte, c'est une bombe. Les regards se croisent, les épaules se cognent, clac. Violence verbale, rap, contact. Hey yo, attention, attention, attention, non. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait d'alerte, c'est une bombe. Les regards se croisent, les épaules se cognent, clac. Violence verbale, rap, contact. Hey yo, dehors, c'est comme un Sean Min. Fais attention où tu mets les pieds, sinon c'est là que ta vie se termine. J'domine le combat, comme Eric Luca. Et peu importe ce que les juges disent, gang dans tous les cas. Mes gars sont là, un conseil, reste tranquille. Fais pas l'imbécile, tu pourrais devenir la cible. Depuis les plus tard, le hate mic. Tout le monde veut my fight, right? J't'arrache les oreilles, bitch, fight comme Mike. Si tu nous dis, yo, j'débarque avec ma gang de malades. Fire rap, Doc Day. Ouvre le coffre, on part en balade. On fuck off grave, pire que Mars et le Swalat. On récolte ce que l'on sait. J'voudrais pas être à votre place. Pétasse, facile de reconnaître les fake ass. Ta gueule une fois pour tout. Et toi, j'attendrai pas qu'on se déplace, c'est compris? Juste au cas, j'recule le message. Tiens les dents une fois pour tout. Et toi, j'attendrai pas qu'on se déplace. Hey yo, attention, attention, attention, non. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait d'alerte, c'est une bombe. Les regards se croisent, les épaules se cognent, clac. Violence verbale, rap, contact. Hey yo, attention, attention, attention, non. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait d'alerte, c'est une bombe. Les regards se croisent, les épaules se cognent, clac. Violence verbale, rap, contact. J'ai des millions de rimes dans mon stage. Quand je crache, les gosses cachent. Ceux qui ride sur mon album, cogne la tête dans le dash. De façon mic, yo, pire que John Rambo et son couteau. Inséparable, ha. Comme ma bouche et un goulot, rien de nouveau. Hip hop, jusque dans les os, jusque dans la peau. Ça s'entend dans les flots et dans les mots. Mes mots de tête m'empêchent de dormir et c'est étonnant. Quand on débarque, les gosses sauf, c'est pas étonnant. Comment veux-tu que je tire? On est tranquille depuis longtemps, la température grimpe. Ébullition, débordement pour l'instant. J'accumule la haine contenue sous pression. Pas trop m'agiter, fais éclater, j'ai bien l'impression. Violemment, l'instrumental devient punching bag. Gauche, droite, uppercut. J'enchaîne avec un jab, un jour ce sera plus lyrical. C'est pas les gags, assumez ce que vous dites sur nous.